Chapitre 2. Comment le capitalisme tomba en désuétude. J'aimerais bien savoir ce qui vous a amené à la capitalistologie. Ma théorie, c'est que derrière tout capitalistologue, on trouve une âme cabossée par la vie. La capitalistologie, c'est comme l'histoire des génocides et des écocides. On ne se spécialise pas dans un thème pareil sans de sérieuses névroses. Pour moi, la passion me vint d'un tas de vieilles lettres. Un tas de lettres retrouvées dans un pavillon qui avait appartenu à ma famille. Je veux dire, du temps qu'il y avait des pavillons, le temps qu'il y avait des propriétés et du temps qu'il y avait des familles. Dans la zone sorcière de Wallonie où j'habitais, il y avait une fille qui s'appelait Émilie Montès. Dite Mimi la mouche, dite aussi Mimi. On se croisait de temps en temps et on s'entendait plutôt bien, ce qui était logique vu qu'elle était ma génitrice. Dans la lignée, on s'appelle toute la mouche, à cause des lunettes, elles-mêmes liées à une myopie qu'on se refilait de génitrice en nourrissonne. Un matin, Mimi m'avait emmenée en expédition au nord de la zone, du côté de la grande forêt liégeoise. On était partis avec suffisamment de galettes de seigle pour tenir une randonnée de 5 jours. On a marché dans la forêt, traversé la Meuse, grimpé sur des collines. Le 3e jour, Mimi m'a dit « C'est ici ». On était face à un palétuvier géant. La Wallonie est couverte de forêts de palétuviers géants à cause du climat tropical favorable. J'ai dit « Ici quoi ?» Elle a pointé du doigt les recoins des racines. Alors, j'ai mis mes lunettes et froncé les sourcils. Il y avait de vieilles pierres sous le palétuvier. En fait, il y avait même un pavillon de banlieue capitaliste au tardif plutôt bien conservé. À part les racines de 3 mètres de haut qui défonçaient les plafonds et les murs, mais sinon, tout y était. Mimi a dit « C'est d'ici qu'on vient ». En fouillant dans la ruine, j'ai trouvé la collection de lunettes de mon arrière-grand-mère. Déjà des lunettes à 9 dioptries. J'ai aussi trouvé un tas de vieilles lettres que mon arrière-grand-mère avait adressées aux lectrices des jours meilleurs. Ce soir-là, quand je suis rentrée à la zone, j'ai dit à Mimi la mouche, « La capitalistologie génétrice, c'est de la capitalistologie que je veux faire. » Pour en revenir au musée, la capitalistologie inclut non seulement l'étude de la phase active du capitalisme, époque où il façonnait les continents et les océans en répandant du pétrole partout, mais aussi l'étude de sa chute. Ce qui nous amène aux artefacts J-3227-04 et suivants, aussi appelés cartes de naturaliste. Vous les voyez ? Là, sur les murs. Ce sont des cartes d'époque, première décennie du 21e siècle. C'est la zone de Notre-Dame-des-Landes. Partout sur la carte, les naturalistes révolutionnaires de l'époque recensaient les espèces de la zone à des fins de rituels et potions de désenvoûtement. Petit récapitulatif. Les premiers laboratoires sorciers émergèrent au cours des années 2020. Tout ce que les villes capitalistes au tardif comptaient de sorcières apprenties, d'envoûteurs maladroits et d'alchimistes débutants se mit à converger vers des zones autonomes pour partager des connaissances sorcières. Rapidement, ils firent des découvertes. Par exemple, ils se rendirent compte que les plumes de Jipaed Barbu faisaient bugger les algorithmes. Mises en potion et lancées contre les data centers, ces plumes rendaient les algorithmes complètement fous. Il y avait aussi les potions de bave de crapaud doré qui asséchaient les gisements de gaz de schiste, ou des potions à base de moustache de loutre qui parasitaient les communications radio de la police. De sorte que les groupuscules révolutionnaires se rassemblèrent autour des zones sorcières et commencèrent à recenser les populations d'animaux sauvages aux propriétés magiques à l'aide de cartes comme celles que vous voyez, afin de fabriquer des potions à grande échelle. Ils firent tant et si bien qu'on en arrive au blob du 3 juillet 2045. Mise en contexte. On est devant la tour Barclay de l'ancienne mégalopole de Londres, aujourd'hui recouverte par le lierre de la grande forêt de Britannie du Sud. Bref, à l'époque, c'est encore le capitalisme tardif. Du verre, du béton et du métal partout. Très chaud. Devant la tour Barclay, une foule révolutionnaire se rassemble. On trouve de tout. Des noirs, des blancs, des zadistes, un trader égaré, une brigade de livreurs sans papier à vélo, des sorcières en colère, une clique d'espions du régime déguisés en militants sociaux-démocrates. Écoutez. Vous entendez le bruit de la foule ? Archives d'époque. Ils ne le savent pas encore, mais les manifestants vont entamer l'un des blobs les plus retentissants de l'histoire, la mère de tous les blobs. Un blob d'une intensité exceptionnelle enseigné dans tous les manuels de sorcellerie. Les blobs des années 2040 sont devenus mythiques. Pas question de faire un musée du capitalisme tardif sans quelques artefacts qui les concernent. Bien entendu, la capitalistologie n'a aucun moyen de savoir avec certitude la force d'un blob près d'un siècle plus tard. Mais on peut s'appuyer sur des indices. Dans le cas du blob du 3 juillet 2043, la capitalistologie dispose de deux types d'indices. Primo, des rapports de témoins. Par exemple, ce témoignage de Patrick Hargreaves, dit Pat le planqué, dit aussi Pat, 78 ans. Le 3 juillet 2045, Pat officiait comme directeur financier de Barclays. Caché pendant 26 ans dans les banlieues de Londres en reforestation, il est capturé et interrogé par les unités de désorcellement de la zone autonome de Brighton au début des années 2090. Extrait d'interrogatoire, archive B-1475-01. C'était terrible. Terrible. En juillet 2045, avec ma team, je venais de mettre au point de nouvelles value chains qui devaient nous permettre de diminuer de 3 points nos debt to equity ratio. Vous imaginez ? C'est alors que le blob a tout détruit. Les PowerPoint, les résultats semestriels, tout avait disparu. Les data centers de Barclays étaient littéralement vides. Tous nos comptes. Je n'oublierai jamais ce que j'ai vu ce jour-là. Mes anciens collègues erraient hagards dans les couloirs, le visage raviné de sueur, en bras de chemise, proférant des insanités anticapitalistes remettant en cause le sens des bilans semestriels. Je décidai de prendre le strict nécessaire, mon smartphone, une gourde, le disque dur de la compta, et de m'isoler en périphérie pour attendre les secours, qui ne sont jamais venus. Voilà pour les témoignages. Deux yeux, le blob a laissé des indices matériels. Les restes de la tour Barclay de Londres ont été abondamment investigués par la capitalistologie. Entre 2127 et 2147, j'ai dénombré pas moins de 12 expéditions visant à excaver différents types d'artefacts. Le blob affecte profondément son environnement matériel. Au moment où le chaudron entre en ébullition, alors que la danse des sorcières et le beat de la musique se synchronisent, de puissantes ondes jaillissent. Les expéditions londoniennes ramenèrent des kilos de petites pièces de cuivre qui témoignent de la violence du blob du 3 juillet 2045. Je parle des artefacts de la série C-2372-01 et suivant, que vous voyez exposés juste à côté. Les interférences sorcières émises furent tellement massives que toutes les pièces de monnaie furent instantanément défacées. Dans un rayon de 20 km, les transformant en vulgaire cercle de métal dénué de valeur. Ce n'est pas tout à fait rigoureux d'un point de vue capitalistologique, mais j'aimerais rajouter un troisième type d'indice. Les lettres de mon arrière-grand-mère. Elles ne parlent pas directement du blob, mais un peu quand même. « Ma chère arrière-petite-fille », commençait le tas de lettres. « Je ne peux pas savoir comment l'ère actuelle se terminera, mais je sais que ça se terminera. Ça se terminera même plutôt vite que tard, vu comment les forces contradictoires du capitalisme font tout déconner de manière croissante. Il paraît qu'une sorte d'ouragan à base d'ondes sorcières vient de ravager la Britannie du Sud. » Je n'ai pas tout compris, les informations parlent de perturbations électromagnétiques ou radioactives, mais en bien plus destructeurs. Si tu veux mon avis, c'est le début de la fin. C'est très bien comme ça. Bisous. Signé ton arrière-grand-mère.